No, t'inquiète, elle est pleine. Merci. Il y a du cimento. C'est arrivé un peu de cimento. C'est tout. Du coup, la publicité, elle prend une heure. Bah, du coup, Odile est pas ferme. Ok, reçu. Ouais, l'autre jour j'allais ramasser le béton qui a sorti là. Lui, il est sur le calou. Il y a une mémène qui a sorti en dessous là, dans l'escalier là. Le béton, il y a une mémène, il est allé ramasser. Lui, je suis sur le calou, il est allé mettre dans la moreta où il y a... Olia. Vas-y Luigi, vas-y Luigi, vas-y, vas-y, vas-y. Là je vais récupérer la cinquième. Non, pas encore, non. S'il vous plaît, bonjour. À l'une, les laisse pas toucher à... Les laisse pas toucher au... à la perche qui est aussi... Sinon, ils vont la toucher à la mer, ils vont la tuer, on a fait un peu de mal. Viens là, je vais vous toucher. Reste là, je reviens. Dis-lui d'arrêter de faire ça avec la bouée là. N'est-ce pas? Faut qu'il saute dessus. C'est à toi la pochette blanche là? Ah j'en ai. Allez. Non capito Carmelo, non capito. Non si sente. Poco, poco, non è tanto. Ouais les gars c'est pas sérieux, déjà ça fait un bon moment là qu'on demande de l'eau, il n'y a personne qui nous donne, il n'y a personne qui nous apporte de l'eau, je sais pas, on est dehors, hein. C'est plus chaud ici là. Hein. Ça va plus de 5 ans. Rossio, ça roule.